le groupe régional de services scolaires, un cadre nouveau de formation et d'éducation dans tout le périmètre communal et départemental de Tambacounda vous propose un encadrement assuré de vos enfants et une formation complète des candidats aux différents concours du Sénégal. Pour la formation de vos enfants, contexte oblige. Le groupe régional de services scolaires organise des cours de vacances pour tous les niveaux avec un renforcement assidu des matières scientifiques et littéraires. Ce sera à partir du 5 octobre. L'inscription est déjà disponible. Mais aussi, nous vous proposons des cours à domicile dans toutes les matières pour renforcer le niveau des élèves et de les préparer à l'ouverture prochaine. L'inscription est fixée à 10 000 francs avec une mensualité de 5 000 francs. Et c'est pas tout. Pour les ambitieux candidats dans les différents concours du Sénégal, concours de recrutement des élèves maîtres, concours douane, concours gendarmerie, ENA, inspectorat, entre autres, le groupe régional de services scolaires est à votre secours. Oui, une large gamme de formations avec des formateurs rompus à la tâche pour mettre les candidats dans des conditions optimales de performance. Cerise sur le gâteau, le groupe régional de services scolaires, en partenariat avec le cabinet Secoé Sénégal, vous aide à décrocher des bourses d'études à l'étranger comme à l'intérieur du pays. Composé d'enseignants, de chercheurs, d'étudiants, nous avons des représentants dans tous les quartiers de Tambacounda. Notre siège se trouve à Medina Koura, ancien garage. Contactez-nous au 77 010 29 49 ou le 76 490 14-48. Le groupe régional de services scolaires, la solution à votre carrière.